leurs bras qui courent et qui s'affolent. Un tourbillon la folle et l'atteint. Le renard regarde et s'en va. Il est parti, décevant, se rend en plein. Ne le mangez pas, c'est un être comme nous. Il est parti trop vite dans l'écrasement. Fin de s'enfuite, ternaire de ne pas le rendre mou. Triste destin d'un renard. Il est parti vers un ciel divin. Il ne demandait qu'à courir, qu'à marcher dans la prairie, pas de pourrir. Chargy. Petit renard aigri, tu es parti trop tôt. Mais moi je t'aime, et ta mort, comme Léotard. Me rend triste, tu me rappelais plus tôt. Triste destin d'un renard brun. Vers un ciel divin. Il ne demandait qu'à courir, qu'à marcher dans la prairie, pas de pourrir. Petit Léo, parti quand je buvais de trop. Tu ne t'es pas remis de ta mort de là-haut. Écrasé par la science, par ce qui vient de là-haut. Je ne dirai qu'un mot, ce que je hais, c'est vos mots, vos mots. Triste destin d'un renard brun. Il est parti vers un ciel divin. De mourir.